Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est samedi et on va se payer une tranche de disco funk. Alors, pour la découverte du jour, encore un inconnu pour moi et pour la plupart d'entre vous, je suppose. Si je vous dis Narada Michael Walden, ça vous dit quelque chose ? J'en doute fortement. Il est né en 1952 dans le Michigan et c'est un multi-instrumentiste. Au début des années 70, il reçoit le nom de Narada, d'un gourou, en même temps que Carlos Santana. C'est dire quelque chose. Il a joué avec des célèbres musiciens tels Phil Collins, Peter Gabriel, Brian Eno, et il a produit une tripotée d'artistes tels Diana Ross, Aretha Franklin, George Benson, etc., etc. Pour découvrir son talent, rien de tel qu'un titre comme « I Want You », extrait de son album Victory, sorti en 1980. C'est parti! Fat Jet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Dans notre rubrique des 100 hits qui ont fait le disco, on va se faire un petit bonnet M, voire même un grand. En 1975, le chanteur allemand Frank Farian est lassé de chanter de la variété. Il enregistre « Do You Wanna Bump », une reprise disco de « Al Capone de Prince Buster ». Il pose lui-même tous les chants, prenant une voix grave et caverneuse pour le refrain et une voix aiguë pour simuler les chœurs féminins. Il choisit de le sortir sous le pseudo de « Bonnet M », en référence au héros d'une série TV, le détective Bonnet. Je ne connais pas personnellement. Le single obtient un succès inattendu aux Pays-Bas et l'idée lui vient de monter un groupe pour le représenter. Il engage les chanteuses Liz Mitchell, Marcia Barrett et Maisie Williams et le chanteur Bobby Farrell, tous originaires des Caraïbes et installés à Francfort. Ce groupe, monté de toutes pièces, apparaît dans de nombreuses émissions en faisant du playback sur les voix de Farian. Ce dernier décide d'enregistrer un album, mais cette fois-ci en utilisant les vraies voix des chanteuses tout en continuant à incarner lui-même cette voix grave et inquiétante qui définit le son du groupe. Daddy Cool est donc le réel premier morceau de Bonnet M et l'un des tubes disco les plus vendus dans le monde. Avec ses danses acrobatiques, ses looks de proxénète ou de dandy au regard sombre qui chante la plupart du temps en playback sur la voix de Farian, Farrell est un élément phare du succès du groupe. Alors Daddy Cool inaugure une impressionnante série de hits qui font de Bonnet M l'une des plus grosses machines de l'histoire du disco, rien que ça. Avec une formule qui mêle disco et reggae dans un format pop, Bonnet M ressemble plus à un show de cabaret qu'à un vrai groupe. Farian s'illustrera aussi à cette époque en produisant le groupe Eruption. C'est à toi, Dédé. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? On continue avec le top des 100 meilleurs albums disco funk. On est toujours avec Stevie Wonder pour cet extrait. J'ai choisi Pastime Paradise. Rien qu'à l'écoute, il va vous rappeler forcément quelque chose. La chanson, la musique et le refrain constituent la base du titre Gangsta Paradise du rappeur Coolio, sorti en 1995. Le succès de ce dernier permet à Pastime Paradise d'être l'une des chansons les plus populaires de Stevie Wonder, alors qu'elle n'est même pas sortie en 45 tours, ou en single, excusez-moi. Alors, Pastime Paradise est l'une des premières chansons composées à l'aide du synthétiseur. Le riff principal repose sur le second prélude en C mineur de Jean-Sébastien Bach. Stevie Wonder s'inspire également du titre Eleanor Rigby des Beatles, souhaitant y intégrer un rythme plus latin et des faits référence au style de Earth, Wind and Fire avec une batterie, l'instrument qu'il choisira finalement d'éviter. Je vais vous laisser écouter ça tout de suite. Isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. Keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation, a grace relation, consolation, integration. Verification of revelation, acclamation for salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future. Passe au maxi. Odyssée n'est pas passé chez nous depuis un bout de temps, alors je vais tout de suite réparer l'affront. J'ai choisi Inside Out, extrait de l'album Happy Together, sorti en 1982. Le titre atteindra la 3e place des charts et sera classé 15e chanson de l'année. Cela sera la seconde chanson la plus connue du groupe, derrière un native New Yorker. Il sera certifié disque d'argent. C'était en 1982. Et ça donnait ça. We'll be right back. Dr Biscou et Mr Funk sur Fat Jam. Alors, pour la pépite, on va faire du Village People sans Village People. Je m'explique. En préparant cette émission, je me suis retrouvé sur un site parlant de Randy Jones. Vous savez, le cowboy du groupe de 1977 à 81. Cela parlait d'un album qu'il a sorti en 2016 et qui s'appelle Hard Time. Ni une, ni deux, je décide de zapper sur le disque et la chanson titre me plaît bien et pourrait convenir comme pépite. À noter que c'est le premier Village People qui fait paraître un titre en solo et qui se classe dans les charts US. Voyons voir si les temps sont si durs que ça. When was the last time you really went out and danced, y'all? The disco's open, and it is Saturday night. Line. Voilà, encore une émission de fini, mais rassurez-vous, on se retrouve samedi prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye.